commencement était le trombone et le ciel musical était vide. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le premier jour. Au commencement était le trombone. Déferle les basses et que la guitare vole au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. Au commencement était le trombone. Commencement, c'est un le trombone.